إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui c'est le cours numéro 65 dans l'explication du livre de Kitab al-Tawhid, le livre Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan de ce livre-là. Et juste avant de commencer, je voulais juste vous montrer le livre qu'on va commencer mercredi prochain, Inch'Allah. Ça s'appelle Ta'kid al-Musallamat al-Salafiyya. Donc c'est un bon livre écrit par le Cheikh Abdelaziz Ibn Raïs al-Raïs. Et vous allez voir mercredi prochain, donc je vais vous en parler plus en détail, Inch'Allah. Quand on commencera ce livre. Donc, on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps parce que maintenant la prière de Isha, elle arrive quand même vite. Donc, dans une heure seulement. Donc, on va commencer puis on essaiera de conclure le chapitre dans lequel on est aujourd'hui. Je pense que c'est le chapitre 20. On est dans le chapitre 20 si je me trompe pas en ce moment. الباب العشرون باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده c'est-à-dire le chapitre qui montre la sévérité du fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala auprès de la tombe d'un homme pieux. Donc que dire de celui qui adore cette tombe, hein, si c'est grave d'adorer Allah près d'une tombe, même si on n'adore pas cette tombe, ça c'est quelque chose de grave de faire ça. Donc imaginez celui qui adore la tombe elle-même, ça fait encore pire. Hein? Donc on commence maintenant avec un autre hadith qui est dans ce chapitre. Wali Muslim, an Jundub ibn Abdillah, قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ على الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Donc, on va expliquer ça. Ce hadith-là, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, selon Jundub ibn Abdillah, hein, radiallahu anhu, qui dit qu'il a entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire 5 jours avant de mourir, je me désavoue, disons, du fait que j'aurais pu prendre un Khalil parmi l'un d'entre vous. Un Khalil, c'est quelqu'un que tu aimes plus que tous les autres, d'accord? Donc, je me désavoue de cette idée que j'aurais pris parmi l'un d'entre vous un Khalil, parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a pris comme Khalil, comme il avait pris auparavant Ibrahim comme Khalil, ok? Et si j'aurais pris quelqu'un parmi ma Ummah comme un Khalil, alors j'aurais pris Abu Bakr, comme Khalil. C'est-à-dire, j'aurais choisi Abu Bakr pour qu'il soit ce Khalil. Après, il dit, sachez que parmi les gens qui étaient avant vous, il y a des gens qui prenaient les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière ou des lieux d'adoration. Alors, ne prenez pas les tombes comme des lieux d'adoration parce que je vous interdis de faire une telle chose. Donc, on va expliquer maintenant cette partie-là. Le cheikh dit قوله للمسلم عن جندب بن عبد الله وهو جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يحتمل أن المراد خمس سنين ويحتمل أن يكون المراد خمس ليال. Le cheikh dit que جندب بن عبد الله c'est البجلي. Okay. Et c'est un des Sahaba. Et lorsqu'il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cinq avant de mourir, le cheikh il dit, parce que dans le hadith il dit pas cinq jours ou cinq mois ou cinq années. Donc le cheikh il dit que ça pourrait être cinq années ou cinq nuits. Mais qu'est-ce qui est plus apparent, c'est que c'est cinq jours ou cinq nuits par rapport à d'autres hadiths qui mentionnent ce sujet-là. Comme si avant de mourir, il a parlé de ça. وهو يقول إني أبرأ إلى الله. Et dans l'autre, en haut, on voit dans le hadith, dans le texte, أبرأ إلى الله. Et dans l'explication, il dit أبرأ إلى الله. Donc, le cheikh il dit البراءة معناها نفي الشيء والابتعاد عنه. فأبرأ إلى الله أي أبتعد عن ذلك وأكرهه. أن يكون لي منكم خليل من الصحابة فليس له من الصحابة خليل والسبب في ذلك أن الله اتخذه خليلا والخلة لا تقبل الاشتراك فلا يمكن أن يكون خليل الله وخليل أحد من الخلق لأن الخلة لا بد أن تكون لواحد لا تقبل الاشتراك والخلة هي أعلى درجات المحبة كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا وعباد الله وأنبياؤه كلهم يشتركون في المحبة فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين أما الخلة فهي لم تحصل إلا لاثنين فقط وهما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا أما بقية الأنبياء والمؤمنين فإن الله يحبهم ويحبونه كما جاءت بذلك النصوص ولكن لم يتخذ الله منهم خليلا. Le chef il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il fait abra'u ilallah, ça veut dire que ça vient du mot al-bara'a, c'est-à-dire il se désavoue et il éloigne cette idée et il n'aime pas cette idée qu'il aurait un khalil parmi les sahaba. Ok, donc al-bara'a c'est ça que ça veut dire, éloigner quelque chose ou ne pas l'aimer cette chose. Et qu'il éloigne l'idée qu'il aurait pu prendre un khalil, un ami, disons, qu'il aime plus que les autres parmi les sahaba. Donc, il n'a pas de khalil parmi les sahaba. Et la raison de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris comme étant son khalil. Et al-khulla, en arabe, comme on dit, c'est une forme d'amour particulière qui n'accepte pas d'être partagée avec d'autres. C'est un amour particulier différent que l'amour ordinaire, différent de l'amour ordinaire. Et ça ne peut pas être partagé avec d'autres personnes qu'avec une seule personne. Ça ne peut qu'être que pour une seule personne. Donc, le cheikh il explique que il ne peut pas, فلا يمكن أن يكون خليل الله وخليل أحد من الخلق. Il ne peut pas être le khalil d'Allah et le khalil d'une autre parmi les créatures en même temps. D'accord? Cet amour-là, elle est unique, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, al-khulla. Et, c'est le plus haut, le cheikh dit, c'est le plus haut degré de l'amour. Et il mentionne un vers de poésie d'un des poètes qui mentionne l'explication à ce sujet-là. Puis après, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala aime tous ses prophètes et tous ses serviteurs. Ok? Comme on dit, al-mahabba, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a pour tous les prophètes et pour tous les serviteurs. Il aime, comme il dit dans le Coran, at-tawwabun, ceux qui, il aime at-tawwabin, ceux qui font at-tawba, ceux qui se repentent constamment. Il aime ceux qui se purifient constamment. Il aime ceux qui ont at-taqwa. Il aime ceux qui ont al-ihsan, la qualité de al-ihsan. Il aime tous ces gens-là qu'il a mentionnés dans la révélation. Il aime les mu'minins. Mais al-khulla, ça, il ne l'a eu que pour deux parmi les créatures. Pour Ibrahim, le prophète Ibrahim alayhi salam, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Seulement pour ces deux-là. Comme il dit dans un des versets dans le Coran, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Ibrahim, il a pris, Allah subhanahu wa ta'ala a pris Ibrahim comme Khalil. Ok? Donc, les autres prophètes et les autres mu'minins, Allah subhanahu wa ta'ala les aime et eux, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala en retour, comme c'est mentionné dans les textes, mais Allah n'a pris parmi eux aucun Khalil, excepté Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال, ensuite il dit, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا يعني لو على فرض لو صح لي وجاز لي أن أتخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فهذا فيه فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كنيته وأما اسمه فعبد الله بن عثمان ولقب بالصديق لكثرة صدقه مع الله لكثرة صدقه مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله فهو كثير الصدق رضي الله عنه. Donc il dit, وفي قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا هذا فيه إشارة إلى استخلاف أبي بكر من بعده لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في آخر حياته كما أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولما قيل له عن عمر أبى وغضب وأمر أن يؤمر أبو بكر أن يصلي بالناس فهذا فيه إشارة إلى خلافته وفي ذلك رد على الرافضة الذين يبغضون أبا بكر الصديق ويطعنون في خلافته وخلافة إخوانه عمر وعثمان ويقولون إن الخلافة لعلي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما الصحابة اغتصبوها وظلموا عليا وهكذا يقولون قبحهم الله فعلي رضي الله عنه هو الخليفة الرابع وهذا بإجماع المسلمين. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, et si je devais prendre quelqu'un comme Khalil, j'aurais pris Abu Bakr al-Siddiq comme étant cette personne, comme étant le Khalil. Et donc le cheikh il dit que on voit dans ça un des mérites de Abu Bakr al-Siddiq. Et qu'il était une des personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus parmi les sahaba. Et Abu Bakr, c'est sa kunya, Cheikh il dit que c'est sa kunya, et son nom c'est Abdullah ibn Uthman. J'avais lu dans un autre livre que sa kunya c'était Abu Quhafa, c'est ça Abu Quhafa, et qu'Abu Bakr c'était son nom, mais le Cheikh ici il dit que c'est Abu Bakr, c'est sa kunya. Donc, Allahu alam, peut-être qu'il y a un mélange ici, mais je vais vérifier dans un autre livre, Inch'Allah. Et il dit que son laqab c'est As-Siddiq, disons désigné comme étant As-Siddiq, parce que il acceptait toujours la vérité. Chaque fois qu'il entendait quelque chose du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou qui vient du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il disait oui, j'y crois, parce que c'est la vérité, oui. Nickel. ولكن المعروف انه لقب بهذا يعني on lui a donné ce laqab après l'Isra et le Mi'raj, parce que quand les mushrikines de Quraysh sont venus voir Abu Bakr al-Siddiq, ils lui ont dit il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais eux ils ne croyaient pas que c'était un prophète, donc ils disent Muhammad a dit qu'il est allé dans une seule nuit de Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis, et ensuite qu'il est monté aux cieux et qu'il est revenu la même nuit. Donc eux ils espéraient en disant ça à Abu Bakr que Abu Bakr se désavoue de ça puis qu'il rejette le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lui au lieu de faire ce qu'ils avaient espéré, eh bien lui au contraire il a dit si ce que vous dites est vrai, si c'est vraiment lui qui l'a dit, dans ce cas-là il a dit vrai. Et j'y crois. Alors quand il a dit ça, à cause de ça, on l'a appelé As-Siddiq. Surtout que ça, c'était au début de l'islam, puis les musulmans étaient encore faibles et peu nombreux, et donc il a montré à Abu Bakr sa sincérité, hein, depuis le début. C'est pour ça qu'on l'a appelé As-Siddiq. Et après, le cheikh il dit donc, il était sincère, non seulement avec Allah, avec son messager, mais également avec les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit aussi que dans cette parole-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si je devais choisir quelqu'un comme Khalil, j'aurais choisi Abu Bakr comme Khalil, il y a aussi une indication ici pour montrer que c'est lui qui va être le successeur après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui va être le khalifa. C'est pas dit d'une façon explicite et direct, mais on peut comprendre ou on peut voir qu'il y a une certaine indication dans ça, hein, parce que ça c'est une preuve claire que s'il devait prendre un Khalil, il aurait pris cet homme-là, hein. Donc on voit que c'est ça, il y a un signe là-dedans. Et après après ça aussi, il y a un autre exemple qu'on peut prendre, que le cheikh mentionne ici, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, avant de mourir, il ne pouvait plus se lever pour aller diriger la prière avec les musulmans. Donc, il a demandé que Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, soit l'imam pour la prière, hein, pour diriger la prière à sa place, avant de mourir, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Aïcha, radiallahu anha, qui était la fille d'Abu Bakr, elle s'est, disons, opposée à ça. Elle a dit au messager d'Allah, demande plutôt à Omar, parce que mon père, Abu Bakr, lorsqu'il guide la prière et lorsqu'il récite le Coran, il pleure tellement qu'on n'entend pas la récitation qu'il fait. C'est-à-dire, on n'arrive pas à suivre la récitation, puis on n'entend pas la récitation parce qu'il pleure trop, hein. Et ça, en réalité, c'est un bon signe, que quelqu'un pleure dans la récitation du Coran. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté, il a dit non, ordonnez ou dites à Abu Bakr qu'il guide la prière. Et Aïcha s'est opposée encore, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère, hein. Il a dit, demande à Omar. Il a dit, non, j'ai dit, dites à Abu Bakr, c'est-à-dire, il a insisté. Il a dit, même il a dit, inna kunna ka sawahibi Yusuf. C'est-à-dire, il a comparé cette attitude de sa femme aux femmes dans l'histoire de Yusuf, hein. Donc, c'est-à-dire, il a insisté, il a dit, n'essayez pas de me faire changer d'idée, c'est Abu Bakr qui va prendre ma place, qui va diriger la prière à ma place. Hein? Parce que dans l'histoire de Youssef, on voit que il y a la mention dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit inna kayda kunna azim, hadha min kaydi kun, inna kayda kunna azim. Et ça fait partie de vos ruses, les ruses des femmes. Et certes, leurs ruses sont grandes. Donc il mentionne ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté pour que ce soit Abu Bakr qui le succède, hein, qui prenne sa place dans la prière. Et il y a là encore une indication que c'est lui qui doit être le khalifa après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Et il y a également là-dedans une réfutation des rafidahs, shi'a rafidah, qui déteste Abu Bakr as-Siddiq. Il le déteste, hein, en particulier lui, parmi lui qui est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il allait prendre un khalil, il allait choisir Abu Bakr. Mais eux, c'est lui en particulier, c'est lui, celui-là en particulier, c'est lui qu'ils détestent plus que les autres. Hein? Et il critique la période dans laquelle il a été au pouvoir et la période dans laquelle il a été khalifa. C'est-à-dire, il la critique cette période. Hein? Et il critique également la période où Omar et Othman ont été au pouvoir. Donc il critique le khilafa de Abu Bakr, de Omar et de Othman, radiyallahu anhum ajma'in. Et ils disent quoi? Ils prétendent que le khilafa devait appartenir à Ali ibn Abi Talib, que c'était Ali qui devait être le khalifa, le successeur, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les sahaba ont volé la place de Ali par injustice. Et il dit ça c'est ce qu'ils prétendent que Allah les maudisse. Ça c'est le cheikh qui dit ça. Qabbahahumullah. Et il dit donc Ali, il est le quatrième khalifa, hein, le quatrième khalifa, et ça c'est selon le consensus des musulmans. Tous les ulama, tous les musulmans sont d'accord là-dessus. À l'époque, les sahaba, tout le monde était d'accord là-dessus, hein, sauf les chiens arrafidah, d'accord. Bien entendu, ce sont des gens qui ont dévié là-dessus. Après, le cheikh il dit, « ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم ألا حرف تنبيه وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد يعني أن اليهود والنصارى يغلون في قبور الأنبياء ويبنون عليها المساجد ويصلون عندها ألا فلا تتخذوا القبور مساجد كرر كلمة ألا مرة ثانية لأجل التنبيه والتأكيد معنى اتخاذها مساجد أي مصليات وثم لم يقتصر على هذا بل قال فإني أنهاكم عن ذلك تأكيد بعد تأكيد لأهمية هذا الأمر. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah ». Et ça c'est, quand quelqu'un dit « Allah », c'est pour faire, disons, pour prendre l'attention de la personne, hein, pour mettre de l'attention sur qu'est-ce qui va suivre. Hein. Et il dit « Ceux qui étaient avant vous prenaient les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière ou comme masajid. » Et il parle ici des juifs et des chrétiens qui ont exagéré au sujet des tombes de leurs prophètes et qui construisaient des mosquées ou des lieux de prière près de ces tombes-là ou bien sur ces tombes-là. Ala fala tattakhidhu al-qubur masajid. Encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ala pour prendre l'attention puis pour insister encore une fois et confirmer. Hein, ne prenez pas les tombes comme des lieux de prière. Et ça c'est pour confirmer, comme on a dit encore une fois. Et comme on a dit, masajid, en voulant dire des lieux où tu fais la salat, ou des lieux où tu fais des doigts. Tu t'en vas là pour faire des prières, ou tu vas là pour faire des doigts. Et non seulement ça, il ne s'est pas arrêté là, il a encore une fois confirmé ça et insisté là-dessus en disant, فإني أنهاكم عن ذلك. Parce que moi je vous interdis de faire ça. Encore une fois, il a insisté. Et donc, c'est une confirmation après une confirmation pour montrer l'importance de ce sujet-là, pour dire que l'affaire, elle est sérieuse. C'est pas des blagues, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et le cheikh dit, واتخاذ القبور مساجد على معنيين. Il y a des gens qui pourraient dire, pourquoi vous parlez de ça ici au Canada? Est-ce que les musulmans adorent les tombes à Montréal? Hein? Peut-être quelqu'un va dire, vous ne parlez pas des choses qui nous concernent dans notre réalité européenne ou américaine ou montréalaise. Oui, mais c'est pas ça l'important seulement. C'est-à-dire, il ne faut pas juste voir la réalité qu'on est à Montréal aujourd'hui. Les gens qui viennent des pays musulmans et que dans leur pays ils pratiquaient ces choses-là, ou bien qu'ils vivaient dans des familles où les gens faisaient ces choses-là, même s'ils ne le font plus, s'ils croient que c'est correct de le faire, ça fait partie aussi du shirk, de penser que c'est correct, ou d'être d'accord avec ça. Même si tu le fais pas, si tu es d'accord avec ça, eh bien t'es un mushrik. Donc même si tu le fais pas, si tu le défends cette chose-là ou tu es d'accord avec, tu rentres dans la menace. Et non seulement ça, c'est que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il n'y a personne qui le fait, que plus tard, dans quelques années, dans quelques centaines d'années, Allahu A'lam, qu'il n'y en a pas qui vont essayer de commencer à faire ça ici aussi. Donc, pour prévenir dans l'avenir, on ne sait jamais. Parce qu'il y en a qui appellent à ces choses-là. Et même il y a des groupes de soufis ici à Montréal, et dans d'autres villes du Canada, et des États-Unis, et de l'Europe. Et quand ils vont organiser des voyages, soi-disant, ou des pèlerinages dans certains pays musulmans, pour faire des pèlerinages à certaines tombes, ou à certains saints, ils vont faire des voyages organisés. On va dire, on va aller faire un pèlerinage au Maroc, ou on va aller faire un pèlerinage au Sénégal, ou bien on va aller faire un pèlerinage. Ils font ça. J'ai vu même un documentaire là-dessus, que des gens, chaque année, ils vont, quand c'est l'anniversaire d'un wali dans un pays, eh bien, ils s'en vont dans ce pays-là pour fêter la fête de ce wali, et ils font les cérémonies, puis ces trucs-là. C'est bien connu qu'au Sénégal, il y a des choses comme ça aussi, à Touba, chaque année, ils font un gros pèlerinage là-bas, à la tombe de Ahmed Bamba. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas parce que ça se pratique pas ici qu'on doit pas en parler. C'est qu'on doit dire, il faut juste parler des réalités qui se passent dans qu'est-ce qui se passe ici maintenant. Il faut être réaliste. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de prendre des mosquées pour des tombes? Le cheikh dit que ça a deux significations. Ok? Al-ma'na al-awwal. وهو المراد بهذا الحديث اتخاذ مصليات يصلى عندها وإن لم يبنى مسجد كما يأتي. La première signification, c'est-à-dire de prendre ces tombes-là ou ces endroits-là comme des lieux pour faire la salat ou des lieux pour faire des du'as, même s'il n'y a pas aucune construction dessus, même s'il n'y a aucune construction sur cette tombe. Tu vas là pour faire des du'as, tu vas là pour faire la salat, tu as pris celui-là comme une mosquée, tu as pris celui-là comme une masjid, même s'il n'y a pas rien de construit là-bas. Parce que tu crois que, comme on va l'expliquer tout à l'heure, celui-là a des qualités particulières. La deuxième signification, al-ma'na thani, an yubna alayha masjidun, kama hasala min al-yahud wal-nasara, وكما حصل في القرون المتأخرة من هذه الأمة. وأول من بنى المساجد على القبور كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم الشيعة الفاطميون في مصر والمغرب، ثم قلدهم الخرافيون الذين ينتسبون إلى أهل السنة من الصوفية وغيرهم وبنوا على القبور، وهذا إنما حدث بعد القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل شيخ الإسلام كلام ثم نقل الشيخ رحمه الله كلام شيخ الإسلام. OK. Donc la deuxième signification de prendre la tombe comme une mosquée, c'est-à-dire de construire quelque chose par-dessus, Et comme les Juifs et les Chrétiens ont fait, et comme c'est arrivé parmi certains musulmans dans le monde musulman. Et le cheikh il dit que ceux qui ont construit des mosquées sur les tombes, ça c'est, comme le cheikh Ibn Taymiyyah a dit, c'est ceux qui ont fait ça en premier, c'était les Shia, les Fatimiyoun en Égypte, et aussi dans le nord de l'Afrique, le Maghreb. Puis c'est les Khurafiyoun qui les ont suivis parmi les Soufis. Les soufis parmi eux qui se prétendent appartenir aux sunnites, prétendent être des sunnites, c'est eux qui les ont suivis là-dedans. Ils se disent sunnites mais ils font des bid'ahs, donc c'est pas des vrais sunnites. C'est des gens qui prétendent être sur la sunna, ils prétendent faire partie de al-sunna, mais ils ne sont pas sur la sunna. Et banaw ala al-qubur, hein, banaw ala al-qubur. Et ça, c'est une chose importante aussi, juste en passant, à propos d'être sur la sunna. J'en avais parlé dans la khutba, pas cette semaine, la semaine passée. Et c'est que, il se peut bien que quelqu'un pratique pas certains articles de la sunna, hein, désobéisse à certains ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il est quand même parmi al-sunna wal-jama'a. Tandis que celui qui pratique les aspects et les caractéristiques de la sunna, certains ordres de la sunna, hein, et ben lui il est en dehors de la sunna, c'est-à-dire il est parmi les mubtadi'a. Et ça c'est quelque chose que certains musulmans comprennent pas, c'est-à-dire, par exemple, on sait que porter la barbe c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est obligatoire. Si quelqu'un porte la barbe et qu'il fait des bid'ahs, il n'est pas sur la sunna, même s'il pratique une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Tandis que celui qui se rase la barbe, mais qui ne fait pas de bid'ah, il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est parmi les gens de Ahl Sunna, parce que il ne fait pas de bid'ah, il n'est pas sur la bid'ah. Ça c'est un exemple pour vous faire comprendre que d'appliquer les apparences de la sunna et les choses qui font partie des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une chose. Mais ça veut pas, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu fais partie de Ahl Sunna wal Jama'a seulement. Parce que tu peux, quelqu'un qui fait des péchés, ça veut pas dire qu'il sort de la Sunna. Ou qu'il sort de l'islam. On sait que notre position à ce sujet-là, c'est que le musulman, il reste musulman, hein, et même s'il fait des péchés, ça veut dire qu'il sort pas de l'islam. À cause des péchés. Tant qu'il ne rend pas halal ce qu'il fait comme péché. Sa foi, elle est faible, on dit il a une foi faible, mais il reste toujours musulman, contrairement aux khawarij qui le font sortir de l'islam. Mais si un musulman, par exemple, disons, il boit de l'alcool, et il dit que c'est haram de boire de l'alcool, il est toujours musulman, il n'est pas kafir, sauf qu'il est musulman faible, avec une foi faible. Hein. Tandis que celui qui ne boit pas d'alcool, mais qui dit c'est halal, avec connaissance des versets qui interdisent l'alcool, et qui le rend halal, et qui dit que oui, c'est permis, eh ben lui, il devient kafir, même s'il ne boit pas d'alcool. Hein? Ça, c'est un exemple. Ou n'importe qui rend halal quelque chose qui est interdit et qui est connu par nécessité dans la charia de l'islam, il devient kafir, même s'il ne fait pas la chose qui l'a rendu halal. Eh ben dans la question, en ce qui a rapport avec la sunna, si quelqu'un, par exemple, il fait certaines choses qui sont interdites, c'est un péché, c'est pas une bid'ah. Hein? Ça veut pas dire qu'il est un mubtadi' parce qu'il fait un péché. Il faut distinguer entre un péché et une bid'ah. Une bid'ah, c'est quelqu'un qui invente quelque chose dans la religion qui n'en fait pas partie. Et qui le fait au nom de l'islam. Et au nom de l'adoration. Et qui prétend que c'est quelque chose de religieux, alors qu'il n'y a aucune référence à propos de ce qu'il fait dans le Coran ou dans la Sunna. Ça, c'est une bid'ah. C'est pire que le péché, parce que c'est une invention dans la religion. C'est attribué à quelque chose à Allah et au messager, qui n'a rien à voir avec la religion. Tandis qu'un péché, c'est quelque chose que tu fais, wa alaykum salam wa rahmatullah, un péché, c'est qu'est-ce que tu fais qui a été interdit par un texte explicite dans l'islam. Et celui qui fait un péché, et qui sait que c'est un péché et qui est conscient qu'il est sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien lui, on dit qu'il a une foi faible, c'est un musulman, il a une foi faible, mais il n'est pas en train de faire une bid'a à cause de ça. Donc, celui qui par exemple qui rate sa barbe ou qui met ses pantalons en bas de la cheville, eh bien, il est mieux que celui qui laisse sa barbe et qui laisse ses pantalons en haut de la cheville mais qui fait des bid'a. Hein? C'est pour te dire que lui, il est parmi les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, même s'il fait des péchés, tandis que l'autre, même s'il suit les ordres dans ces questions-là sur la Sunnah, mais il est dans la bid'a, c'est un mubtadi'. Ça c'est un point, peut-être c'est un petit peu difficile à comprendre pour certaines personnes, mais c'est la même chose, en fait c'est un principe, c'est quand même important de comprendre. Oui, c'est ça. Que ça veut dire que quelqu'un peut être salafi, même s'il rase sa barbe, tant qu'il sait ce qu'il fait, c'est haram, tandis que l'autre qui a la barbe, comme le soufi, qui danse dans sa mosquée, puis qui chante, et puis qui va, par exemple, demander l'intercession au awliya, lui, même s'il pratique la barbe, il pratique l'apparence de la sunna en extérieur, mais il est mubtadi' et il fait un acte de shirk. Donc c'est un exemple à ce sujet-là. Donc c'est ça. وَمَنْ قَلَّدَهُمْ مِنَ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ مِنَ الصُّوفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ. Ok. Donc il y a beaucoup de groupes qui se disent être sunnites. Hein, il y a des khawarij, ils disent qu'ils sont sunnites, des mu'tazila, ils disent qu'ils sont sunnites, plein d'autres sectes comme les soufis qui disent qu'ils sont sunnites. Mais d'être sunni, comme on a expliqué, c'est de rejeter les bid'ah, non pas seulement de pratiquer certains aspects de la sunna ou de reconnaître la sunna. Ça c'est en plus ces choses-là, les constructions sur les tombes, c'est arrivé après les trois premiers siècles. Après les trois premiers siècles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayru nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. » La meilleure génération c'est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Puis un qarn en général c'est environ 100 ans. Ça c'est que... Ouais, comme un siècle, oui c'est ça. Donc c'est mon siècle, puis après ou ma génération, celle qui la suit et celle qui la suit. Et donc ces bid'ahs-là sont apparus après ces trois premiers siècles-là. Après, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Il faqad naha anhu fi akhir hayati. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن عباس عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. Il y a différence d'opinion, mais on a dit que de faire la prière là où il y a une tombe, et de dégorger là où il y a une tombe, ou de faire des doigts là où il y a une tombe, c'est un moyen qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk. Parce que dans l'apparence, on a l'impression qu'il fait ça pour la tombe. Mais on ne peut pas savoir son cœur, son intention. Est-ce qu'il le fait pour la tombe ou non? Regarde. Il fait ça en apparence. Donc, en apparence, nous on dit ça c'est haram. Et ça c'est un moyen qui peut amener quelqu'un au shirk. Si dans son cœur il le fait avec l'intention de le faire pour la tombe et pour le mort, ça c'est shirk akbar mukhrij min al-millah. Et si on ne sait pas, on ne peut pas juger que la personne est kafir ou non. Hein? Et de toute façon, nous on peut savoir quand même, l'action elle, elle est interdite. Mais si tu dis que la personne dit ça ouvertement avec sa langue, et là encore une fois il faut voir, est-ce que la personne est, elle sait ou elle ne sait pas, il faut voir, hein? Peut-être la personne est ignorante. Et, non, mais c'est-à-dire, il faut que la, si la personne est ignorante, hein, eh bien, il faut lui expliquer que c'est haram, et que c'est, s'il le fait pour la tombe, et pour le mort lui-même, il faut lui dire que ça c'est shirk, akbar. Hein, et de toute façon, comme on dit, nous, les ulama nous ont expliqué une chose, c'est qu'il y a une différence entre al-hukm al-am, ou al-hukm al-mu'ayyin. Ok? C'est-à-dire, le verdict général, quand tu dis, comme une règle, hein, c'est comme une règle, celui qui adore un mort, ou qui prie un mort, ou une tombe, il est mushrik, il est kafir, il sort de l'islam. Ça c'est une règle générale. Maintenant tu vois quelqu'un qui fait ça, et qui dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc là, tu peux pas appliquer ce, cette règle-là sur, sur cet individu-là, excepté avec certaines conditions, et il faut voir que ça s'applique à lui en particulier. Et de faire ça, il faut, c'est-à-dire que, bon, bien entendu, comme les ulama ont dit ça, c'est les ulama qui font ça. Et l'affaire, c'est que dans les pays musulmans, actuellement, dans certains pays musulmans, il n'y a pas de tribunal islamique où les, on peut amener des gens pour les faire juger pour des choses pareilles. Hein? Si quelqu'un dans un pays, dans certains pays, il fait ça, tu le prends, puis tu appelles la police, tu dis, regardez, lui, il est en train de faire ça, ça c'est shirk et tout. Voilà. Ils vont pas l'amener devant le juge pour lui dire, bon, ça y est, lui, il faut le juger. Oui, c'est ça. Ouais. Tout ça, toutes ces affaires-là, tawaf, c'est une ibada. Égorger un animal pour une tombe, c'est une ibada. De faire un doua ou de faire une salat en direction d'une tombe, tout, exactement tout ça, c'est des formes de shirk, hein, mais de l'appliquer. Il y a des ulama qui disent, depuis qu'il l'a fait, il est mushrik. La preuve a été établie par le Coran déjà, donc ça y est, c'est des mushrikim, kuffar. C'est ça. Parce qu'il y a des ulama qui ont dit, oui, il n'y a pas d'excuse comme... On dit, il n'y a pas d'excuse d'ignorer ça, il y a des centaines de versets dans le Coran qui expliquent ça. Donc, s'il ne connaît pas ça, en partant, il n'est même pas musulman. Oui, le fait, tout ça rentre là-dedans. Mais, il y en a d'autres, ulama, qui ont dit non, s'il est ignorant, il est excusé par son ignorance. Puis, il y a beaucoup d'autres excuses ou des raisons comme ça qui pourraient faire en sorte que la personne pourrait être excusée et qu'on ne pourrait pas appliquer sur lui. Le verdict. Mais on va continuer la lecture, inshallah, puis on va voir les détails par la suite. Oui. Donc le cheikh dit ثم نقل شيخ الإسلام نقل الشيخ رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال فقد نهى عنه في آخر حياته يعني قبل أن يموت بخمس كما في حديث جندب. ثم إنه لعن وهو في سياق الموت كما في حديث عائشة الذي سبق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل به جعل يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك يعني في هذه الحالة الحرجة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا قال الشيخ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا لأنهم معصومون عن ذلك رضي الله عنهم ولا يمكن ذلك أبدا في حقهم بل لم تبنى المساجد في القرون الأربعة كلها لأن القرون الأربعة أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرون الأربعة كلها كلها لأن القرون الأربعة أثنى الله أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كانت القرون الأربعة لم يبن فيها على القبور مساجد فكيف يبنى في عهد الصحابة الذين هم القرن الأول؟ فدل على أن المراد باتخاذها مساجد تحري الصلاة عندها ظنا أن الصلاة عندها فيها مزية أو أنها مستجاب الدعاء من عندها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد سدا لذريعة الشرك، لأنه إذا صلي عندها ودعي عندها فإن ذلك يتطور وتدعى من دون الله وتعبد من دون الله، كما حصل عند الأضرحة الآن حيث صارت تعبد من دون الله، فيذبح لها وينذر لها ويستغاث بالموتى ويتمرغ على ترابها ويعكف عندها ويطاف حولها وكما يطاف بالكعبة. كل ذلك لأن الباب فتح لما بني عليها. Le Cheikh il parle ici, il explique justement tous les points qu'on a mentionnés tout à l'heure. Et la réalité à ce sujet-là, c'est que en fait, il faut qu'il y ait une da'wah dans les pays musulmans qui se dirige aux musulmans pour leur faire comprendre et connaître le verdict de l'islam au sujet de ces choses-là, et aussi vis-à-vis des gens qui sont au pouvoir, des dirigeants, de leur donner le nasiha pour leur faire comprendre qu'ils doivent interdire ces choses-là et qu'ils doivent faire détruire ces tombes qui ont été bâties sur les, ces constructions qui ont été bâties sur les tombes. Parce que nous, en tant qu'individus musulmans, dans des pays musulmans, on n'a pas le droit de prendre l'initiative d'aller et de détruire ces choses-là par nous-mêmes. On n'a pas le droit d'interdire le mal avec notre main, de notre propre initiative, sans la permission du dirigeant dans ces choses-là. Parce que de faire ça, ça risque de créer plus de mal et plus de fitna et plus de désordre que si on le change avec nos mains nous-mêmes. Donc on doit aller, c'est-à-dire demander aux gens qui sont responsables et qui sont au pouvoir de le faire. Parce que si c'est l'État qui le fait, et si c'est les dirigeants qui changent, qui enlèvent ces tombes-là, mais par la suite personne ne pourra répliquer ou réprimander ou faire quoi que ce soit de réaction négative ou de problème. Même si il y aurait des réactions, mais ils ne pourraient pas faire grand-chose. Tandis que si c'est des individus qui se mettent ensemble pour dire « viens, on va aller détruire telle ou telle tombe de leur propre initiative », là ça va commencer la guerre, hein, ça va commencer la fitna, puis ça finira plus. Donc c'est pour ça que c'est pas de notre propre initiative qu'on a le droit de faire ces choses-là, mais c'est avec l'autorisation et l'autorité de celui qui est au pouvoir et le dirigeant. Et donc c'est de notre devoir de donner le nasiha aux dirigeants, soit d'aller les contacter personnellement, ou bien de leur écrire et de leur faire savoir que ces choses-là, c'est shirk, et que c'est quelque chose de contraire à l'islam, et de leur faire connaître les preuves à ce sujet-là, pour les conseiller de détruire ces choses-là, et d'interdire les gens de pratiquer ces formes d'idolâtrie-là dans les pays musulmans. D'accord? Et ça que les du'at ont fait à travers les siècles. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il a voulu faire détruire la tombe de Zayd, comment il s'appelait Zayd, un des sahaba qui s'appelait, j'ai oublié son nom, mais je pense que c'est Zayd ibn al-Harith ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas quand il a voulu faire détruire cette tombe, il n'est pas allé tout seul ou avec des gens pour dire « je vais la détruire ». Il est allé voir l'Amir et il l'a appelé au Tawhid et lui fait comprendre la Sunna. Et puis, par la suite, il a dit, il faut faire détruire cette tombe, il faut aller raser ou niveler cette tombe, et c'est l'amir qui a envoyé les gens pour faire une chose pareille. C'est pas de lui-même, par tout seul qu'il l'a fait, hein, pour éviter la fitna et les problèmes. Ça c'est un exemple. Et qu'est-ce qu'il dit le chef ici? Il mentionne que Cheikh Mohammed Abdul Wahhab a mentionné les paroles de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et il dit donc que Ibn Taymiyyah a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça à la fin de sa vie, hein, avant 5 jours, avant sa mort. Et il dit, puis ensuite il a maudit, c'est-à-dire juste avant de mourir, il a maudit les gens qui faisaient ça. Et il se base sur le hadith d'Aïcha qui mentionne que avant de mourir, il était avec son vêtement, il le mettait sur son visage, puis il couvrait son visage avec, puis il la découvrait par la suite. Et lorsqu'il enlevait ce tissu-là de son visage, il a dit par la suite, à ce moment-là, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des mosquées. Et là, le cheikh dit, et Aïcha, radiallahu anha, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça pour avertir, hein, contre ce que ces gens-là avaient fait au sujet de la, ou par rapport aux tombes, et pour pas que sa tombe soit élevée. Il dit, s'il n'avait pas dit ça, les gens auraient construit quelque chose ou élevé sa tombe. Et il a eu peur de ça, donc il les a avertis à ce sujet-là. Puis le cheikh il dit, et les sahaba, ils n'allaient pas construire une mosquée près de sa tombe. Ils n'allaient pas construire une mosquée près de sa tombe ou sur sa tombe, parce qu'ils sont protégés de faire une chose pareille. Hein. Les sahaba sont protégés de faire une chose pareille. Hein. Ils peuvent pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « La tajtami'u ummati ala dalala ». Les ulama ont dit, ça veut dire quoi ce hadith? Ça veut dire, les musulmans ne peuvent pas se réunir et être tous d'accord sur l'égarement. Hein. Donc, les ulama ont expliqué ça, ça s'applique aux sahaba, ce hadith. Que les sahaba ne peuvent pas se mettre tous d'accord sur un égarement. Donc ça veut dire que si vous voyez que sur un sujet, les ulama sont en désaccord, ça veut dire que il y en a un des deux qui est sur une dalala, ou qui est sur quelque chose qui n'est pas vrai. D'accord. Des fois, il y en a des gens qui utilisent ce hadith-là à l'envers. Ils voient que, par exemple, nous, on interdit le shirk et l'adoration des tombes, et il y en a parmi les gens de Bid'a qui appellent à ces choses-là, puis qui disent que ça c'est bon. Puis après ils disent, la tajtami'u ummati ala dalala. Et eux ils pensent que eux ils sont réunis là-dessus, donc qu'ils ont une ijma, que c'est permis de le faire. Alors que, comme si en voulant dire, nous on fait pas partie de la umma, donc ils nous comptent pas dans l'ijma, en voulant dire, nous on les a contredit, donc, la umma est réunie, selon eux, sur le fait que c'est permis de le faire, et donc nous on est sur le dalala. Ils ont renversé l'envers à l'envers. Non, la réalité, c'est que, alhamdulillah, si les sahaba sont réunis sur quelque chose, eh ben, c'est la vérité. C'est al-haq. Hein. Et la preuve qu'ils étaient tous réunis sur le fait que il faut adorer Allah seul, puis pas construire rien sur les tombes, mais déjà ça contredit ce qu'ils prétendent. Parce qu'à l'époque, les sahaba, personne n'avait construit quoi que ce soit sur les tombes des prophètes ou des hommes pieux à l'époque. Donc, c'est ça, le cheikh il dit, les sahaba étaient protégés de ça. Et même, hein, « fi haqqihim, la yumkin dhalika abadan fi haqqihim, bal lam tubna al-masajid fi al-qurun al-arba'a. » C'est, non seulement c'est pas possible que les sahaba fassent ça, mais dans les 4 premiers siècles de l'islam, on n'a jamais construit quoi que ce soit par-dessus une tombe. Il a mentionné le Qurun al-Arba'a. Al-Mufaddala, c'est 3. Mais dans les 4 premiers siècles, il n'y en avait pas. Même le 4e, il n'y en avait pas non plus. Personne qui a fait ça. Ok. Et c'est uniquement après ça que c'est apparu. Donc si, le chef dit, فإذا كانت القرون الأربعة لم يبنى فيها على القبور مساجد فكيف يبنى في عهد الصحابة وهم القرن الأول. Si on n'a pas construit rien dans les quatre premiers siècles, alors comment on pourrait construire dans le siècle des Sahaba quelque chose sur une tombe alors que c'est le premier et le meilleur des siècles, hein? Donc ça, ça se peut pas. Et donc ça prouve ça que ce qu'on veut dire dans ce hadith-là, quand on parle de prendre une tombe comme un lieu de prière, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, non pas de construire seulement quelque chose sur une tombe, mais en particulier également de spécifier cet endroit-là pour aller prier ou pour aller faire un acte d'adoration en croyant que ce lieu-là en particulier a quelque chose de particulier, quelque chose de spécial. Que si tu pries là, c'est pas comme si tu pries ailleurs, hein. On vous l'a dit, si tu pries à cet endroit-là, ça a quelque chose de spécial que les autres endroits n'ont pas. Si tu penses ça, déjà là, t'es tombé dans le hadith. T'es tombé dans ce que ce hadith-là interdit. De prendre les tombes comme lieu de prière, oui. Francis, c'est un bon exemple. Le fait, qu'est-ce qu'il mentionne? Il dit même, il y a des endroits où le prophète Hassan avait prié, et certains sahaba, ils cherchaient cet endroit-là en particulier pour aller faire la prière à la même place que le prophète Hassan. Et, c'est une des exemples pourquoi Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a fait couper l'arbre là où les sahaba avaient donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bay'a de Al-Aqaba. Il a fait couper l'arbre. Cet arbre-là, il l'a fait couper. Pourquoi? Pour pas que par la suite, les musulmans prennent cet arbre-là comme un objet d'adoration et qu'ils cherchent cet arbre pour aller prier là ou pour aller prendre des barakadeux, cet arbre. Donc, vous voyez comment les sahaba comme Omar ibn al-Khattab et d'autres, craignaient justement ce genre de choses. Et comment il a fait couper cet arbre-là? Parce qu'il savait que plus tard, il y a des musulmans qui connaissent pas bien l'islam, qui vont commencer à prendre cet arbre-là, puis ils vont faire plein de shirk et de bid'a autour de cet arbre. Donc pour éviter ça, il a fait couper. Et non, même aujourd'hui, à midi, le masjid al-Nabawi, hein, eh ben, tu vois des gens, qui font la queue pour prier à certains endroits dans la mosquée. Ils attendent chacun leur tour, que quelqu'un termine de prier, parce qu'ils croient que cet endroit-là, où ils vont prier, ça va avoir une valeur particulière. Parce qu'ils croient que c'est là que le prophète sera en train de prier. Et ça, c'est une bid'a, hein. Ça, c'est pas sunnah de faire ça. C'est uniquement permis de faire ça pour la pierre noire. Hein, de toucher, et le rukn al-yamani. Pas de s'essuyer avec, oui, c'est ça. Mais ça, on va y revenir. Non, ben, il y a des gens qui le font, ouais, dans leur embrasse. Mais on va revenir à ça, Inch'Allah. Ouais, tu veux, là, prier dans le Rawda, c'est pas pareil. Eux, c'est pas nécessairement dans le Rawda. Après. Je vais terminer ce chapitre avant la prière, parce qu'il reste pas beaucoup de temps pour le Adhan. Le chef, il dit donc que là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois pas prendre cet endroit-là spécifique pour croire que tu dois aller, que si tu crois que si tu pries là, ton droit va être exaucé plus qu'ailleurs. Parce que ça, c'est un moyen de tomber dans le shirk. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de prier là où il y a des tombes et de prendre ces lieux-là comme des lieux de prière pour fermer la porte au shirk. Parce que si les gens prient à cet endroit-là, puis qu'on fait des doigts à cet endroit-là, les choses vont dégénérer par la suite, et puis ça va arriver au fait que ils vont commencer à adorer d'autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et ils vont adorer les tombes, comme c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, près des tombeaux où il y a eu des hommes qui ont été enterrés là-bas, et ils sont devenus des idoles, des lieux d'adoration. Les gens vont pour égorger des animaux là-bas, pour faire des vœux pour ces tombes-là. Ils cherchent le secours des morts à ces endroits-là. Ils se roulent dans la poussière de ces tombes-là, parce qu'ils croient qu'elles ont une baraka ou une valeur spéciale. Ils restent longtemps devant ces tombes-là à méditer ou à prier ou à faire des dhikr ou d'autres choses comme ça, des actes d'adoration, ils croient que c'est des endroits spéciaux, qui ont une valeur spéciale pour adorer Allah. Hein, et aussi ils font le tawaf, comme on fait à la Kaaba, comme on fait à Mecca, eux ils le font à ces tombes-là. Hein, et tout ça, hein, c'est des choses qu'ils font à cause qu'on a ouvert la porte à, aux constructions ou aux bâtiments qu'on a fait sur les tombes. Et donc, c'est comme je disais tout à l'heure, pour stopper ces choses-là, premièrement, il faut enseigner aux musulmans l'aqida de l'islam vis-à-vis de ces choses-là, et en même temps aussi, il faut donner la nasiha aux dirigeants pour qu'ils sachent que ces choses-là sont contraires à l'islam, que c'est des formes de shirk, et pour qu'ils les détruisent, ces endroits-là. Et une fois qu'elles sont détruites, Inch'Allah, et bien là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile que, disons, d'éloigner les gens de ces croyances et de ces innovations. Tandis que si, hein, de ces fausses croyances et de ces fausses innovations. Alaykoum salam. Tandis que lorsque ces trucs-là, ces tombes-là sont construits, ces dômes et les mausolées sont écrits là-bas. Mausolée en français, ça vient de moussalla, en fait. Hein? C'est une francisation qu'ils ont fait de ce terme. Donc, c'est pour dire qu'ils prennent ces lieux-là comme des lieux de prière, et ça, c'est pas permis. Après, il dit, ثم قال, رحمه الله, كل موضع قصد الصلاة فيه, أي كل موضع متردد عليه ويصلى فيه, سواء كان عنده قبر أو ليس عنده قبر, فقد اتخذ مسجدا وإن لم يبنى ولو كان الصحراء, فهذا يسمى مسجدا, يعني مكان صلاة ومكان سجود. نعم, donc le cheikh il dit, tout endroit qu'on prend comme avec l'intention de faire la prière à cet endroit-là, hein, un endroit où on va pour prier, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de tombe à cet endroit-là, alors ça dérange pas, on peut dire que c'est, on l'a pris comme une mosquée, même s'il n'y a pas de construction, même s'il n'y a pas de mur autour, hein, comme une mosquée. Aujourd'hui là, on appelle cet endroit-là ici, on l'appelle mosquée, parce qu'on prie dedans. Mais n'importe quel endroit où on va pour prier, même s'il n'y a pas de mur, même s'il n'y a pas de construction, on peut dire que c'est une mosquée quand même, ou que c'est un lieu de prière. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah a fait pour moi toute la terre entière comme une mosquée, c'est-à-dire un lieu où on peut prier, ok, on peut faire la salat. Et donc, le cheikh il dit, même si c'est un désert, un endroit désert et que tu vas faire ta prière là, eh bien, cet endroit-là, c'est une mosquée. Parce que c'est un endroit où tu fais la salat, où tu fais le sujud, donc on l'appelle masjid. Il dit, tout endroit où tu fais la salat, tu l'appelles une mosquée, alaykoum salam, même s'il n'y a pas eu de construction à cet endroit-là. Kama qala, جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني صالحة للصلاة فيها فدل على أن المكان الذي يصلى فيه يسمى مسجدا سواء قصد أم لم يقصد سواء يبنى عليه أو لم يبنى. Le cheikh il dit donc que tout endroit où tu vas prier c'est une mosquée, on l'appelle masjid même s'il n'y a rien de construit à cet endroit là. Et la preuve aussi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et la terre a été faite pour moi comme une mosquée, un lieu de prière, et tahora, c'est-à-dire un endroit, une source de purification. C'est-à-dire, tu peux te purifier avec la terre lorsqu'il n'y a pas d'eau. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, tu peux te purifier avec la terre, en faisant at-tayammum. Hein, en faisant at-tayammum. Et, donc c'est ça ce que le cheikh dit. Tout endroit où tu va pour prier, c'est une mosquée. Peu importe qu'on ait construit ou non, ou peu importe qu'on ait l'intention que ce soit une mosquée ou non. Et il dit, فالحاصل أن معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين المعنى الأول الصلاة عندها وإن لم يبنى مسجد وهذا هو المعنى المراد من الأحاديث. والمعنى الثاني بناء المساجد فيها والقباب، وهذا أيضا منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني هدمته وسويته بالأرض، لأن هذا يفتن الناس ويصبح وسيلة من وسائل الشرك. Le cheikh il dit donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le fait de prendre les tombes comme une mosquée? Ça implique deux significations. La première signification, c'est de prier là où il y a une tombe, même s'il n'y a rien de construit dessus, même s'il n'y a pas une mosquée construite dessus. Et ça, c'est ce qu'on veut dire par les hadiths qu'on a mentionnés dans ce chapitre. Et la deuxième signification, c'est la signification qui est dans qui est mentionné, c'est que le cheikh il dit de construire des constructions, des tombes, des mosquées, des mausolées ou des sanctuaires ou autres par-dessus la tombe. Et ça c'est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, ne laisse aucune tombe qui est élevée, excepté que tu la nivelles et que tu la détruis et que tu la rases au niveau du sol. Parce qu'il y a dans ça le fait que la tombe soit qu'il y ait une construction dessus, c'est une fitna pour les gens et c'est un moyen pour les faire tomber dans le shirk. Donc il faut les niveler et les détruire. Donc comme on disait tout à l'heure, de détruire les tombes, c'est pas n'importe qui a le droit de faire ça. C'est uniquement les dirigeants parmi les musulmans qui ont le droit de le faire parce qu'ils ont l'autorité. On peut pas nous-mêmes dire, bon, on va se mettre un groupe, on va s'acheter un bulldozer, puis on va aller pour raser les tombes comme ça, où les gens font du shirk. Parce que si vous faites ça, vous allez faire la fitna dans les pays musulmans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aller voir les gens qui sont responsables, les gens qui sont les dirigeants des différents pays musulmans, et de leur écrire des lettres, ou de les contacter, et de leur donner le nasiha, hein, de leur mentionner les preuves, et les textes du Coran et de la Sunna qui mentionnent l'interdiction de ces choses-là, et de les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala avec l'espoir que Allah les guide et que Allah ouvre leur cœur à la vérité, et puis inshallah, on sait jamais, mais peut-être que Allah va les guider à comprendre le danger de ces choses-là, et puis peut-être que inshallah ils vont établir le tawhid dans les différents pays musulmans. Inch'Allah. Donc ça c'est ce que chaque musulman dans son cœur devrait avoir l'intention de faire. Donc on va s'arrêter ici puis on continue demain bi'ithnillah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.